Chapitre 3e. Un étrange visiteur. Un jour, Midas se livrait à ses jouissances contemplatives, quand il vit apparaître une ombre sur ses monceaux d'or. Tout à coup, il put distinguer, à la clarté d'un filet de lumière qui plongeait dans le caveau, la figure d'un étranger. C'était un jeune homme au visage épanoui et vermeil. Était-ce un effet de l'imagination du roi Midas, à travers laquelle tous les objets se teignaient de sa couleur favorite? Était-ce une autre cause? Toujours est-il qu'il ne put s'empêcher de croire que le sourire de l'étranger rayonnait d'un éclat métallique. Ce qu'il y avait de certain, c'est que malgré l'interception de la lumière extérieure par la présence de l'inconnu, les trésors amoncelés devant lui resplendissaient d'un éclat tout nouveau, dont les angles les plus obscurs de la pièce se trouvèrent éclairés et qui provenaient du sourire et du regard de l'étranger d'où s'échappaient des étincelles et des flammes. Midas, certain d'avoir tourné la clé dans la serrure et convaincu de l'impossibilité d'entrer dans sa retraite par la violence, en conclut nécessairement que son visiteur était plus qu'un mortel. Il importe peu de vous dire quel était ce personnage mystérieux. Dans ce temps où la terre était encore voisine de son enfance, on pensait que des êtres doués d'un pouvoir surnaturel venaient souvent y séjourner pour prendre part aux joies et aux chagrins des hommes dans un but moitié folâtre, moitié sérieux. Une rencontre de cette nature n'était pas nouvelle pour le roi Midas, et il n'était pas fâché de se retrouver en face de l'un de ces êtres supérieurs qu'il avait déjà vus. L'inconnu, à vrai dire, avait un air si bienveillant, qui plus est si généreux, qu'il eût été déraisonnable de le soupçonner d'aucune mauvaise intention. À coup sûr, cet hôte surhumain venait combler Midas de nouvelles faveurs. Et quelle autre faveur pouvait-il lui apporter, si ce n'était le don de multiplier ses richesses? L'étranger jeta les yeux autour de la chambre, et après avoir éclairé de son sourire tous les objets qui s'y trouvaient assemblés, il se tourna vers Midas. « Tu es puissamment riche, » lui dit-il. « Je doute qu'il y ait sur la terre, entre quatre murs comme ceux-ci, autant d'or que tu en as amoncelé. » « J'ai assez bien réussi, » répondit Midas d'un air à moitié content. « Mais après tout, cela n'a rien d'étonnant, si vous considérez qu'il a fallu travailler toute ma vie pour arriver là. Si l'on pouvait vivre un millier d'années à la bonne heure, on pourrait peut-être devenir riche. « Comment ? » s'écria l'étranger. « Tu n'es pas content ?» Midas secoua la tête. « Qu'est-ce qui pourrait donc te satisfaire ?» demanda l'inconnu. « Simplement pour la curiosité du fait. Je serais bien aise de le savoir. » Midas se tut et devint rêveur. Un pressentiment lui disait que cet étranger, à l'aspect si noble et au sourire d'une expression si bienveillante, devait être venu le trouver dans le but et avec la puissance d'exaucer tous ses vœux. Le moment propice était donc arrivé. Il n'avait qu'à parler pour obtenir tout ce qu'il pouvait désirer, que ce fût possible ou non. Il restait absorbé dans sa méditation, entassant des montagnes d'or les unes sur les autres, sans jamais parvenir à les rêver d'une hauteur suffisante. À la fin, une idée lumineuse surgit au roi Midas, et lui apparut aussi brillante que le métal dont il avait fait son idole. Relevant soudain la tête, il regarda en face l'éblouissant étranger. « Eh bien, Midas, lui dit l'inconnu, « je vois que tu as enfin trouvé ce qui devra te satisfaire. Dis-moi quel est ton souhait. »« Voilà tout simplement ce que c'est, » répliqua l'avare. « Je suis fatigué d'avoir tant de peine à recueillir des richesses qui, malgré tant d'efforts, ne sont après tout que bien insuffisantes. Et je voudrais pouvoir changer en or tout ce que je viendrai à toucher. » Le sourire de l'étranger s'épanouit à tel point qu'il sembla remplir la chambre comme l'aurait fait l'astre du jour à travers une vallée ténébreuse où les feuilles d'automne réfléchissent la lumière. « Le toucher d'or, n'est-ce pas ? » s'écria-t-il. « Honneur à toi, Midas, pour avoir conçu une idée aussi admirable. Mais es-tu bien sûr que l'accomplissement de ce désir fasse ton bonheur ? En peut-il être autrement ? Ne regretteras-tu jamais d'avoir ce don merveilleux ? Quel motif aurais-je de m'en repentir ? Je ne demande rien de plus pour mettre le comble à ma félicité. « Eh bien, que ton vœu soit exaucé, » répondit l'inconnu en lui adressant un geste d'adieu. « Demain, au lever du soleil, tu auras le toucher d'or. » La figure du visiteur devint tellement resplendissante que Midas en ferma involontairement les yeux. En les rouvrant, il ne distingua plus que le rayon du soleil qui glissait auparavant sur les trésors entassés avec tant de peine pendant tout le cours de son existence.